Comment ça va bien? Bien, bien, bien. Ouais, bien. Très bien, je suis Ouais. prêt. Ma prog est prête Tout est prêt. à vous emmener dans des ambiances très dark ce Très soir. dark, très bien. Bah, écoute-moi, ce que je te propose sans attendre tout de suite maintenant, c'est de mettre ton générique, enfin en tout cas l'annonce, Absolument. ton générique. L'annonce faite à Marie. Ouais, l'annonce faite à Marie, on écoute et on enchaîne tout de suite après avec ton émission. L'émission. Et toi, t'écoutes quoi au cinéma? Je vous rappelle aussi, juste avant d'enchaîner l'émission, qu'il y a un jeu ce soir. Il faut découvrir le mot mystère. On se croit un peu sur RTL, mais c'est le mot mystère. Et puis ceux qui découvriront où se cache, enfin, on va vous le dire, on vous dira, voilà, ça c'est le mot mystère. Et ben, vous m'envoyez un mail à sélectionmusique@orange.fr et là, et ben, vous pourrez faire une émission avec moi mercredi prochain et faire votre sélection musicale. Allez, on envoie tout ça. Suspense. Suspense. On envoie tout ça. Le cinéma d'André Bazin substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Retrouvez toute la musique du cinéma avec Le Matou. Jeudi soir à partir de 19h sur ma radio. Mediavision 01 47 20 00. Ouais, bon, ça va, on a compris, genre mineur. C'est pas gentil. Alors, t'intéresse pas qu'on téléphone à la mondaine pour qu'il laisse tomber la perquisition? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Eh ben, t'es connu un peu partout. Alors, on voudrait que tu téléphones dans plusieurs endroits pour demander ton ami Fogel. Fogel n'est pas mon ami. Ah, raison de plus. Pourquoi vous faites pas une descente? On y a pensé. Seulement, les coups de fusil en l'air, ça fait partir le gibier. Si on rave dans 3 ou 4 boîtes sans prendre tout de suite Fogel, ou il nous verra, ou on le préviendra. En somme, quand on ne vous aide pas, vous êtes perdu. T'es d'accord? 7h15, c'est la bonne heure, ça, l'apéritif. Et ben voilà, on rentre dans le vif du sujet direct. Ouais, c'était quoi ça? Un extrait du Doulos de Jean-Pierre Melville, c'était un plan séquence magnifique du film. Le Doulos de Jean-Pierre Melville, avec Jean-Paul Belmondo et Jean de Sailly dans le rôle du flic. Le Doulos, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est un animal des montagnes, non? Non. Le doulos, c'est de l'argot pigalien, de Pigalle. Chez les malfrats, le doulos, c'est le chapeau. C'est celui qui porte le chapeau, en fait. C'est celui, en gros, c'est un peu l'indique, si tu veux. D'accord. Voilà. Là, ce qu'on écoute derrière nous, c'est aussi des gens qui s'inspirent un peu de Melville. Hein, mais qui ne s'est pas inspiré de Melville, hein, aujourd'hui? C'est les frères Cohen. C'est l'ouverture de Fargo. Une musique composée par Carter Burwell, leur compositeur attitré depuis les débuts, depuis Blood Simple en 85. Et si j'écoute ça, c'est que, enfin, si je vous passe ça, c'est que bah, l'ambiance de ce soir va être très cinéma de genre, tous les genres, un peu noir, le film policier, on va l'entendre avec noir, Melville, ouais. Ouais, film noir, film fantastique aussi, puisqu'on aura des BO de 28 jours plus tard, entre autres, film qu'on a vu ensemble, hein, souviens-toi. Ouais. Et voilà, donc on peut laisser les accords magiques de Fargo. Hein. Donc là, il faut s'imaginer le, je sais pas si tu te souviens, la brume, ouais, et la brume neige. Et la neige. Ouais. Carter Burwell. Magnifique. Thank you. Moi, ce que j'aime bien avec cette musique, c'est que c'est la musique qui sert d'ouverture au film. Je sais pas si on se souvient. On dirait une musique de fin direct. Ouais, c'est ça, ça qui est marrant. Et puis surtout, je trouve qu'elle donne directement le ton du film. Hein, voilà, qui un va côté être très dramatique. Ouais, ouais, c'est ce qui va se passer puisque c'est quelqu'un qui fomente, enfin en tout cas qui engage un tueur pour tuer sa femme. Puis finalement, ça va se retourner contre lui. Contre lui, ouais. Ouais. Et je trouve ça assez bien que là, finalement la musique donne la couleur d'entrée de jeu. Alors, est-ce que ce soir, notre fil conducteur, j'ai envie de dire, le fil rouge de l'émission serait un peu les frères Cohen, ouais, notamment. Et les Four Tops, grâce aux Cohen aussi là. Ah d'accord. Ça c'est dans Blonde Simple, dans le premier film des frères Cohen. Ils écoutent ça dans le jukebox. Alors pourquoi ce fil rouge des frères Cohen ce soir ? Ben je sais pas, en fait il se trouve que dans mon travail de journaliste, je suis en train de travailler précisément sur les frères Cohen et sur toute l'œuvre. Donc du coup je me suis vachement entraîné. Ils sortent un film là en fait, c'est ça l'idée. Bientôt, ouais. fin janvier ça sort, ça s'appelle No Country for Old Men, c'est l'adaptation d'un roman de Cormac McCarthy, un romancier américain. Le film était présent à Cannes et passé, on va dire, relativement inaperçu, alors que c'est un film vraiment majeur des frères Cohen qui reviennent un peu aux affaires après une petite baisse de régime. On se souvient du dernier d'ailleurs qui était pas... Lady Killers, qui était un petit peu décevant. C'était un peu. Ouais. Et là, ils reviennent vraiment à leur meilleur. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a presque une boucle qui est bouclée avec ce film, puisqu'effectivement, ça rappelle leur début Blood Simple. C'est d'accord. Une espèce de chasse à l'homme qui se passe dans la région du Texas. Et c'est beaucoup plus noir. C'est très sombre. C'est super pas de sombre. La comédie comme Lady Killers. Il y a de la comédie, il y a toujours... Il y a toujours un côté ironique, les personnages monolithiques et du coup qui deviennent un petit peu pathétiques et drôles. Mais c'est un film très très sombre avec donc Tommy Lee Jones, Javier Bardem qui joue un tueur incroyable, une espèce de fantôme, une espèce de démon incroyable. Okay. Josh Brolin, enfin voilà, c'est vraiment un film donc à voir absolument fin janvier. Absolument. Les frères Cohen, je vais Ethan dire Leonard et Joël. Ouais. Non, et si je sais pas. Moi, non. Donc il n'y a pas que les frères Cohen qui vont nous accompagner ce soir, beaucoup parce qu'effectivement d'une part je les aime bien, puis du coup ça permet de raccrocher les wagons avec le film noir parce que c'est des gens qui se sont vachement inspirés du film noir américain. Melville lui-même s'en est inspiré, donc tout ça ça fait une espèce de pont et de lien qui me plaît assez. D'accord. Et puis les frères Cohen, parce que ce que j'aime bien avec Blood Simple, c'était donc on écoutait les Four Tops et c'était It's the Same Old Song. Alors c'est marrant, c'est très ironique parce que c'est toujours la même vieille rengaine. Ouais. Et c'est marrant parce que finalement les Cohen, le cinéma des Cohen, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils réutilisent un genre déjà préexistant, et en même temps ils y mettent leurs pattes, donc c'est bien très moderne. Mais du coup c'est assez marrant d'écouter It's the Same Old Song dès leur premier long métrage pour faire créer ce décalage. Ça mettait tout de suite une vraie signature à leur film. Ouais. Et là, c'est leur deuxième, Miller's Crossing, toujours Carter Burwell, un film magnifique, et toujours donc les frères Cohen. Voilà. Donc ça, c'était Carter Burwell, hein, un fidèle des fidèles donc des frères Cohen. Ouais, depuis le début. D'accord. Et il fait toujours, encore aujourd'hui, toutes les BO. Toutes les BO. D'accord. Et c'est vrai que la musique est très présente dans tout le cinéma des Cohen. Ouais. Et le dernier, vous verrez, et surtout vous entendrez, surtout, il n'y a quasiment pas de musique, juste le générique de d'accord, fin. D'accord. Et donc c'est très présent. Ce vide, finalement, est très présent et ça contraste vachement avec le reste des frères Cohen qui utilisent vraiment, vraiment la musique, comme on l'écoute. En plus, une musique quand même très... Un peu grandiloquente. Ouais. Et en même temps... Enfin, je voulais pas dire grandiloquente, c'est quand même chargé d'émotions. Non, mais c'est sûr, mais t'as raison, il y a un peu de grandiloquent dans ce qu'on écoute là, et même le thème de Fargo. Mm. Tu vas en écouter le grand saut, c'est pareil, il y a une espèce d'ouverture. À mon avis, Carter Burwell, il fait la même chose que les Cohen, c'est-à-dire que dans sa musique, il s'inspire des grands noms de la musique de film, et surtout, il parodie sans parodier, mais en tout cas, il utilise un peu les mêmes codes de la musique. Est-ce qu'on peut parler de cynisme ? Mais moi, je pense pas qu'il y ait vraiment du cynisme. Parce que moi, j'aime pas beaucoup le cynisme parce que je trouve ça hyper négatif. Je pense pas que ce soit du cynisme parce qu'ils sont très. Respectueux. Très respectueux du genre. Et en même temps, voilà, ils s'en démarquent un peu. Mais c'est pas par cynisme. Je pense que c'est un ton qu'ils donnent à leur film. Alors après, que leur personnage peut-être le soit, qu'on puisse considérer qu'il soit cynique. Mais je pense pas que leur démarche, en tout cas des frères Cohen et donc de Carter Burwell, soit dans ce registre-là. Ouais. Carter Burwell a fait uniquement la totalité des films des frères Cohen, mais il a fait d'autres choses aussi. Ouais, absolument. Ouais. En fait, c'est un fidèle aussi de Spike Jonze. D'accord. Donc, il a fait Dans la peau de John Malkovich, pour lequel il a gagné un Oscar d'ailleurs. D'accord. Il a fait celle d'adaptation. Plus récemment, il a fait la BO d'un film moi que j'ai adoré, 7h58, ce samedi-là, Sidney Lumet. C'est lui qui a fait le score. D'accord. Donc, on va dire quelqu'un quand même qui est dans. Proche d'un cinéma, on va dire, indépendant américain. Carter Burwell, c'est un mec qui est né en 1955 dans une famille plutôt riche de New York. Donc, il a été vraiment formé, notamment à Harvard. Enfin, c'est quelqu'un qui a un parcours, je dirais, très, très prestigieux. Et en fait, c'est marrant son histoire à lui, c'est que les Cohen l'appellent parce qu'ils avaient fait des petits travaux en fait sur des trucs d'animation et tout ça. Et donc les Cohen l'entendent ça. Ils sont en train de préparer leur premier long, donc Blood Simple. Ils envoient une missive à Carter Burwell pour lui dire voilà, ton travail nous intéresse. Lui il prend ça un peu par-dessus la jambe. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Il envoie donc un thème. Et les Cohen l'utilisent, l'utilisent dans tous leurs films. Et Carter Burwell va être assez étonné de voir le film que le thème est très très très présent et fait même quasiment toute la saveur du film. D'accord. Et lui, il a même pas vu au montage finalement. Il a envoyé un thème et puis ils l'ont collé aux images. C'est ça. C'est marrant parce que je lisais par rapport à ça, notamment par rapport à John Carpenter, qui appelle ça le double blind. Le double blind, c'est composer sans regarder les images. D'accord. C'est tu composes un thème, et c'est ce qu'il avait fait pour Halloween, pour enfin tous ces films. D'abord, il filmait, il montait, et après, il s'isolait complètement, il monte, il créait sa musique, et tac, il balançait après sa musique dessus. Et ça, c'est une technique qui est utilisée beaucoup aujourd'hui maintenant par les compositeurs de cinéma qui s'appelle le double blind. D'accord. Voilà, donc. C'est doublement aveugle en fait. Ouais, aveugle. Et c'est marrant que tu parles de Carpenter avec le thème d'Halloween que lui-même a composé. Donc forcément, il avait les images de son film en bien tête. Sûr. Et ce qui est marrant, c'est que pour l'anecdote, alors après, c'est peut-être une légende, mais je crois que c'est vrai puisque Carpenter le raconte. Il voit son film terminé sur son banc de montage, donc Halloween, La Nuit des Masques, sans musique. Ouais. Et se rend compte que ça ne fonctionne pas beaucoup. Ouais, quoi. Voilà, et il compose le fameux thème. Et là, d'un coup, ça fonctionne. On parlait la semaine dernière, pareil, du thème de Psychose dans la douche. Est-ce que ça serait le même avec le thème d'Herman? On ne sait pas. Là, toujours du thriller, mais plus moderne, avec David Fincher, la BO de Zodiac, une chanson déjà préexistante, Easy to be Hard. Easy to say no. Easy to say no. Come on, easy to give. Alors, vous êtes déjà beaucoup à m'envoyer des mails en me disant j'ai trouvé le mot mystère, c'est celui-là, c'est celui-là. Non, non, non. Je vous assure, quand on dira le mot mystère, vous le saurez, on dira voilà, ça c'est le mot de passe pour faire partie donc de ma radio mercredi soir et faire la sélection. Donc, vous inquiétez pas, on vous le dira. Je peux t'emmener à Hollywood. Allez, emmène-moi à Hollywood. À la rencontre d'un scénariste un peu déchu. Ouais. Je t'entraîne à peu près dans les années 50. D'accord. Billy Wilder, Sunset okay. Boulevard. Je ferme les yeux. Tu y es. Noir et blanc, hein, forcément. This is Sunset Boulevard, Los Angeles, California. It's about 5 o'clock in the morning. That's the homicide squad, complete with detectives and newspapermen. A murder has been reported from one of those great big houses in the 10,000 block. You'll read about it in the late editions, I'm sure. You'll get it over your radio and see it on television. Because an old-time star is involved, one of the biggest. But before you hear it all distorted and blown out of proportion, before those Hollywood columnists get their hands on it, maybe you'd like to hear the facts, the whole truth. If so, you've come to the right party. You see, the body of a young man was found floating in the pool of her mansion, with two shots in his back and one in his stomach. Nobody important, really. Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit. The poor dope. He always wanted a pool. Well, in the end, he got himself a pool. Only the price turned out to be a little high. Wait a minute. Haven't I seen you before? I know your face. Get out, or shall I call my servant? You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures. Used to be big. I am big. It's the pictures that got small. Des voix typiques de l'époque. Ah ouais, tout est là. On ne retrouve plus ces voix-là. C'est marrant, hein, comme quoi, faut croire qu'il bouffait autre chose ou fumait d'autres trucs. Eh ben, on le retrouve, ouais. Moi je trouve, dans le cinéma des frères Cohen, justement. D'accord, ce genre de voix-là, un peu effectivement, des espèces de, ouais, des voix monocordes, surtout. Mmh. Tu remarqueras, dans les films des frères Cohen, ils utilisent vachement la voix off, qui est un code du film noir, hein, qui est un code basique. On entre souvent dans un film noir, ou quasiment toujours, par la voix off. Là, c'est Sunset Boulevard de Billy Wilder. D'accord. C'est un des codes majeurs de la voix off. D'accord. Que Scorsese utilise très bien dans tous ses films, et les frères Cohen pareil, et justement prennent le soin de faire ces voix un petit peu monocordes comme ça, on dirait des espèces de DJ de radio, tu sais, perdus au fin fond de nulle part, avec ces voix là et c'est vrai qu'aussi il y avait les prises de son de l'époque qui faisaient que les voix étaient un petit peu soit accélérées, soit déformées. Voilà, là on écoute le thème de Fargo, hein, en continu, et juste avant c'était donc Sunset Boulevard, on écoutait les dialogues, c'est fantastique ce film. Ouais, mais en tout cas il donne envie, hein, rien qu'en entendre. C'est une mise en abîme d'Hollywood, hein. Ça commence dans une villa de Beverly Hills avec un corps comme ça qui flotte par exemple dans une piscine mort. Et c'est, en fait on est dans la maison d'une ancienne star du muet un peu déchue, et donc un scénariste comme ça va un petit peu forcer cette intimité. Et c'est un film sur la fin de l'âge d'or d'Hollywood. D'accord. Et c'est assez magnifique, en tout cas. Alors on dit que voilà, aujourd'hui c'est, ah pardon, on va écouter Melville, pardon. Melville nous interrompt. Oui. Ce que vous venez de dire sur votre film, Jean-Pierre Melville, Et la séquence que nous venons de voir semble indiquer qu'il y a une part psychologique importante dans le doulos. Est-ce à dire que l'action en est absente? Et si l'action est présente, comment est-ce que vous avez réussi à équilibrer les deux? Il n'y a plus d'action que de psychologie et que de choses intérieures dans ce film. Mais il est certain que pour expliquer l'action assez compliquée de cette histoire, on a besoin de conversations et de quelques scènes, disons, statiques comme celles que vous venez de voir. Mais c'est quand même un film d'action exclusivement suffisamment compliqué pour avoir besoin d'être expliqué de temps à autre. C'est-à-dire au milieu du film, comme ce que vous venez de voir, qui est exactement la scène qui se situe au milieu du film, et comme une certaine scène à la fin du film. Tout le reste étant de l'action. Ce que nous avons vu. Toujours Carter Burwell et la musique donc des frères Cohen qui nous accompagnent tout au long de cette soirée, comme Jean-Pierre Melville qui fait référence à une séquence du Doulos qui ouvrait d'ailleurs notre émission. C'est vrai. Voilà. Barton Fink, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à voir absolument, bien sûr, hein, comme tous les films des frères Cohen, hein, comme la majorité, voilà. La majorité des films, les derniers, là, comment s'appelle le dernier ? Lady Killers, t'as évité. Un peu décevant. Ouais. Un peu décevant, mais sinon tous les autres, a priori, c'est du bon. On peut y aller les yeux fermés. Barton Fink, enfin, les yeux grands ouverts. Vu et approuvé à Cannes, puisque Palme d'Or 91. C'est vrai. Ouais. Moiteur des scénaristes hollywoodiens. Allez-y, c'est magnifique. Et puis un écho à Sunset Boulevard, puisqu'il s'agit aussi d'un scénariste. Pas mal quand même. Dans les années 50, début des années 60. Et surtout, le film auquel il fait référence, et ça n'a aucun rapport avec la choucroute, ouais. Puisque c'est un film de Téchiné, Les Roses Sauvages. Donc rien à voir avec le film noir hollywoodien américain, ni avec les frères Cohen, ou si peut-être le ton de la chanson très, très vieillotte, comme ça, que j'adore. Donc je sais pas, je voulais la mettre là parce que je la trouvais vraiment très très belle. Et puis voilà, hein, allez, tout simplement. On est dans sa Cadillac, décapotable, et on est au drive-in. Yes. She ran away, and I wonder where she will stay. My little runaway, run, run, run, run, run away. Bien sûr, une petite pensée à Dave. Hein. Alors, plus qu'une reprise, je crois que c'est vraiment pour le coup un sample. C'est-à-dire qu'il a repris, il n'a pas du tout repris la structure de ce morceau, Dave, il a repris juste le nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan nous écoute. J'aimerais que vous nous définissiez ce doulos par rapport aux autres truands que vous avez interprétés à l'écran, par exemple dans À bout de souffle ou Classe Touriste, cet admirable film de Claude Sauté, car il s'agit pour vous d'une mutation brusque en tant que comédien, puisque vous voilà projeté de Léon Morin, prêtre de Cartouche et du Saint-Jean-Hiver, dans le doulos. Oui, c'est-à-dire que ça m'est difficile de parler là du personnage du doulos, parce qu'il y a quand même un petit mystère, je crois qu'il ne faut pas, pas le déplorer. Mais je veux dire, la différence, je crois que dans Un bout de souffle, contrairement à ce qu'on a cru, c'est que c'était pas un gangster, c'était un type égaré. Dans Classe Touriste, c'était un personnage aussi mystérieux comme l'était celui du doulos. Mais le doulos, on peut dire, comme on ne peut pas effleurer tout, la différence, c'est que c'est un personnage très élégant. À cause du chapeau? Pas à cause du chapeau, non, élégant un peu dans tout, dans ses gestes et dans sa manière de faire, finalement, contrairement. Et encore une histoire de chapeau, puisque c'est Miller's Crossing. Je ne sais pas si tu te souviens, dans Miller's Crossing, il y a le chapeau qui vole comme ça dans l'air. Donc voilà, un lien comme ça. C'est marrant d'écouter Belmondo parler à l'époque. Là. C'est marrant parce que c'est un acteur qui nous manque terriblement, qui n'est pas encore passé, mais qui tourne plus beaucoup, malheureusement. Non, qui tourne plus rond, ouais. Qui tourne plus rond. Il y a Kiki maintenant. Moi, j'étais en train de balancer une petite... voilà, quelque chose de touchant, et toi tu réduis ça à Kiki. Je suis désolé, j'adore Belmondo aussi. Et t'aimes Kiki ou pas? Bah j'aime Kiki, mais je pense que le virage cheveux teints en blond et les petits chihuahuas dans les mains, c'est pas Bébel pour moi ça. Bébel c'est celui du doulos, d'À bout de souffle, aussi du marginal dans les années 80, puisque moi j'ai été élevé avec ça, mais c'est pas Kiki. Alors, pour vous, en exclusivité, le mot de passe pour faire... l'émission de mercredi prochain, et c'est Kiki le mot de passe. C'est Kiki le mot de voilà, passe. Voilà, le mot de passe, donc c'est Kiki. Vous pouvez m'envoyer un mail à selectionmusique@orange.fr, selectionmusique en un seul mot avec un C à la fin, @orange.fr, ou sur mon mail habituel pour ceux qui l'ont, ou alors sur Facebook, enfin où vous voulez. Et le premier qui m'a donné le mot de passe fera l'émission de mercredi prochain à 19h en direct live sur ma radio. Et dans l'émission qui s'appelle Les musiques de ma vie. Voilà, le mot de passe c'est Kiki. Singers. Dans quel film ça? American Gangster, directed by Ridley Scott. D'ailleurs, on va s'en écouter deux, issus de la bande originale. Superbe film, super BO. Super BO, super film, ouais, un film assez académique, hein, mais bon, voilà, c'est ce que fait Ridley Scott de mieux, c'est-à-dire que c'est un. Plus qu'un faiseur, je veux pas dire un auteur, mais enfin à sa manière, voilà, c'est quelqu'un qui en tout cas manie très bien l'outil cinéma. Il n'a pas le génie des Cohen, je trouve, ni des Scorsese ou des choses comme ça, mais en tout cas son American Gangster, moi j'ai trouvé assez équilibré, peut-être trop. En tout cas, plus équilibré que son film sur les vins là. Ah oui, oulala, une grande année. Oula. Ou une triste année. Petit cru. Harry Lee Scott, petit cru. Je vous rappelle le mot de passe, c'est Kiki. Hein. All right, now, baby, little lady, and easy here, help me out, come on, little lady. All right, doing something so. je rappelle que le fil conducteur de cette émission, c'est le film noir. Hein. On peut dire, on peut résumer ça à ça, le film noir. Un de ceux qui a quand même fait que le film noir existe encore aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis où il le fait d'une manière un peu traditionnelle, est-ce qu'on peut dire que c'est James Gray? Absolument. Ouais. James Gray. Ah, je te prends de court comme ça. Non, tu ne prends pas de court parce que non, je croyais que tu allais me dire Scorsese, alors que Scorsese, pas du tout. Non, pas du tout. Scorsese, c'est plutôt le film de gangster. Ouais. Et donc, il y a une vraie différence entre le film de gangster et le film noir. Ouais. On pourra en parler après, la différence entre les deux. James Gray, oui, absolument. Ouais. James Gray, il y a en même temps quelque chose de très fiévreux, de très. De tragédie grecque chez James Gray, qui avait peut-être aussi un peu dans le film noir, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai que. En tout cas, il lui donne ses lettres de noblesse. Les frères Cohen également font partie des gens qui admirent profondément le film noir. Le film noir, pour faire une définition assez courte, c'était un genre qui est apparu en 1941 avec Le Faucon Maltais réalisé par John Huston. D'accord. Et en fait, c'est apparu pendant la Première Guerre mondiale, donc dans un climat un petit peu dépressif. Donc, fini la figure du gangster un peu classe et élégant. Là, on tombe plutôt dans les bas-fonds. Donc, la propriété des films noirs, souvent, c'était des losers, des gens un peu à la rue, au chômage. C'était la situation économique de l'époque qui voulait ça. Et on était plutôt dans des quartiers un petit peu malfamés, interlopes de New York et des grandes villes. Donc, le film noir, c'est ça. D'où le nom, le film noir. Absolument. On est vraiment dans une ambiance très noire, alors qu'on est loin des gangsters avec la figure un peu héroïque. Flashy. Absolument, ouais. D'accord. Voilà. Et gangster, puisqu'on parle de gangster, on écoute toujours du gangster, en tout cas de la musique issue du film American Gangster, qui porte bien son nom, donc directed by Ridley Scott. C'était les Staples Singers. Les Staples Singers. Et là, donc c'était une musique additionnelle. Là, on va écouter en revanche la musique qui a été composée par le film. Et il a été composé par Hank Shockley. Pour le film. Et c'est Hank Shockley. Et Hank Shockley, tu sais qui c'est? Non. Bah, c'était le mec qui était derrière les Public Enemy. D'accord. Voilà. Et donc a composé un petit peu quelques scores pour le film. Tu vas voir un peu l'ambiance d'époque, hein, années 70, très tout ça. 70s, voilà, ouais. Très 70s. Bah, on l'écoute. Fonk. Vous êtes toujours en compagnie avec le fils illégitime de Isabelle Giordano et Laurent Veil, Thomas. Absolument. Ce soir, ouais. Qui anime son émission donc tous les jeudis soirs. Hein, et toi, t'écoutes quoi au cinéma? Donc une émission sur le cinéma, mais pas seulement, aussi sur la musique du cinéma. Et tout d'abord sur la musique du cinéma, j'ai envie de dire. Le film noir ce soir est le fil conducteur de notre émission. C'est bien parce que c'est un genre un peu méconnu, parce que c'est assez spécifique et qui a ses propres codes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Matteau? Bah, très bien, j'en parlais tout à l'heure, donc il est né en 1941, ouais. Une période un peu de dépression aux États-Unis. au-delà du fait que la guerre mondiale sévit donc un peu partout dans le monde et notamment en Europe, aux États-Unis c'est quand même le chômage, c'est une crise un petit peu. On a passé un petit peu la période d'euphorie après le crash donc de 29. Il y a eu une reconstruction puis une descente et donc 41 marque un peu ça et ça se marque donc dans les films. C'est aussi l'arrivée, en tout cas la mode de la psychanalyse. Et donc du coup chez les les scénaristes, la façon de composer une histoire, de réfléchir sur les personnages change aussi la psychologie. Donc c'est des films, en général, sont très centrés sur les personnes et sur la psychologie des personnages. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une prise de conscience du soi ? Peut-être, en tout cas, peut-être, surtout en tout cas, au cinéma. Chiante. Non, pas du tout, mais surtout au cinéma. Ouais. C'est-à-dire que souvent, des films mettent l'action devant. Là, dans le film noir, l'action est très importante, mais effectivement, la psychologie aussi des personnages va déterminer un petit peu l'action. Et donc, on ne peut pas dire que, effectivement, c'était le cas aussi dans d'autres cinématographies avant, mais le film noir, en fait, réunit plusieurs ingrédients. En fait, c'est la collusion entre plusieurs codes. Ouais. Donc le contexte, on l'a évoqué, la vamp, la figure de la vamp, ça c'est quelque chose de très déterminant, surtout des nanas. Nanas plantureuses, absolument, mais avec toujours une face cachée. Quand absolument, même. Qui va séduire le héros et puis finalement l'entorlouper parce que effectivement la femme est vénale, la vamp est vénale en tout cas. Et donc c'est vrai que l'image de la femme dans les films noirs n'est pas forcément au top. Humphrey Bogart a symbolisé un petit peu le héros. Le héros des films noirs. L'archétype du film noir, aux États-Unis, Le Grand Sommeil, on écoutera d'ailleurs le thème et un petit peu de son tout à l'heure de The Big Sleep de Howard Hawks. D'accord. Donc Le Grand Sommeil, un film fantastique. Et ce qui est marrant, c'est que Le Grand Sommeil, là où on voit c'est la quintessence du film noir, c'est qu'au final, on se désintéresse totalement au bout d'un moment de ce qui se passe et du récit pour se centraliser sur les personnages et ce qu'ils sont d'accord, en train de vivre. Ouais, je comprends. Quelque chose que va porter à son comble par exemple David Lynch par exemple en déstructurant au maximum l'histoire mais se concentrant uniquement sur les personnages. Absolument. Ouais. Donc on se retrouve dans une espèce d'ambiance très particulière quoi. Voilà. Ah mais ça on l'a écouté là une fois déjà. Celui-là non. Pas encore. Ah, pas celui-là. Le grand Nat King Cole, qui a aussi posé sa voix sur beaucoup, beaucoup de films de cette époque, dans les années 50 surtout. Ouais. Donc là, on imagine quand même le petit café, la fumée, comme ça, la frontière mexicaine, et Nat King Cole. Ya si pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás. Quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado. Tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. J'ai une vraie affinité pour ces Américains qui chantent en espagnol parce qu'il y a un accent tellement prononcé et là il l'accentue en plus si je puis me permettre le jeu de mots. J'adore ça, je trouve ça très très beau cet accent américain sur l'espagnol. On écoute juste les derniers accords. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Peut-être, peut-être, peut-être. Perhaps, perhaps, perhaps. C'était la musique de quel film ? Wong Kar-wai l'a utilisée dans In Demand for Love. Je crois qu'elle a été réutilisée bien avant, en fait, dans un film des années 70 dont j'oublie le nom. D'accord, on retrouvera. Pendant plein Nouvel Hollywood, et j'ai le souvenir d'une scène avec cette chanson que j'adore. Fabien, voilà. Si tu nous écoutes, tu trouveras la réponse, évidemment. Un coup d'IMDB, et puis ça devrait le faire. Ça avance. On parlait tout à l'heure du grand sommeil, The Big Sleep, avec Howard Hawks. Exact. Quintessence du film noir. Howard Hawks, pas avec Howard Hawks. Howard Hawks, ouais. Avec Humphrey Bogart, ouais. Et Lorraine Bacall, produit par la Warner. Ouais. Film fantastique pour plein de raisons, et notamment Raymond Chandler qui a collaboré donc à l'écriture du film, absolument. C'est adapté d'un de ses romans, The Big Sleep, Le Grand Sommeil, l'histoire d'un type qui se perd dans une espèce d'intrigue. Lui, c'est un détective privé. D'accord. Et qui va se perdre, en fait, dans les méandres d'une histoire incompréhensible que lui-même ne comprend pas. Je crois même que les protagonistes du film et le réalisateur ne comprennent pas. Et ce qui est drôle pour l'anecdote, ouais, c'est que Howard Hawks a envoyé une missive à Raymond Chandler pour lui dire, au final, le mec qui est mort, là, qui est-ce qu'il a tué ? Alors Raymond Chandler renvoie une missive en disant, bah, c'est un tel. Alors Howard Hawks, il lit ça, puis il lui renvoie une missive en lui disant, mais attends, mais c'est pas possible, parce que lui, il a fait ça. Alors que Raymond Chandler lui renvoie, peut-être pas lui, je sais pas moi-même. Donc c'est pour prouver vraiment, ouais, que c'est une construction très particulière, le film noir. Ce qui intéresse, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, plus que le récit en lui-même. Not particularly nasty things. That flesh is too much like the flesh of men. That perfume has the rotten sweetness of corruption. So you're a private detective. I didn't know they existed except in books, or else they were greasy little men snooping around hotel corridors. Ah, you're a mess, aren't you? I'm not very tall either. Next time I'll come on stilts, wear a white tie, and carry a tennis racket. I doubt if even that would help. Now, this business of Dad's, think you can handle it for him? It shouldn't be too tough. Really? I would have thought a case like that took a little effort. Not too much. What will your first step be? The usual one? I didn't know there was a usual one. Oh, sure there is. It comes complete with diagrams on page 47 of how to be a detective in 10 easy lessons, correspondence school textbook, and your father offered me a drink. You must have read another one on how to be a comedian. Hear what I said about the drink? I'm quite serious, Mr. Marlowe. My father's not. Father... Help yourself. On est d'accord que dans le film noir, la figure principale du film noir, c'est le détective quand même. C'est le détective et surtout, ouais, Marlowe là, en l'occurrence. Hein. Alors oui et non, c'est pas forcément la figure centrale, parce qu'après, là il se trouve que dans le film en question, le Marlowe, donc, qui est détective privé, est la figure du film. C'est vrai que la figure du détective privé A inspiré beaucoup, voilà, en tout cas à Hollywood. Exactement, mais souvent il y a des films comme Le Facteur sonne toujours deux fois, où c'est un petit mec, un petit pompiste qui va se transformer, c'est toujours des mecs qui rêvent de grandeur. Non, d'accord, c'est pas le cas de Marlowe, hein. Mais souvent c'est des petits gars qui rêvent de grandeur et puis qui vont se retrouver en général plumé ou en tout cas abusé, soit par une femme, soit par des gangsters qui la vont un petit peu manipuler. En général, absolument, ouais. Et là, voilà, c'est marrant d'écouter la voix grandiose, la voix très reconnaissable de Humphrey Bogart, cette espèce de truc là. On entendait un petit peu le whisky et tout, ouais, ça. C'est con parce qu'en dessous de nous, bah, y a Melville qui parle en français. Le plus fort en dernier sort. Je ne pense pas que le public français habitué aux films américains de ce genre et de cette époque soit lassé. Vous me demandez si au moment de la sortie du film, le film plaira. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je crois que tous les producteurs français seraient milliardaires s'ils étaient capables de répondre. Alors, c'est aussi une... On entend qui, là ? Rita Hayworth. Rita Hayworth. Et ça se faisait beaucoup à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui. Les comédiennes qui jouaient dans des films chantaient aussi dans le film. Absolument. Ça faisait partie d'une figure imposée, entre guillemets imposée, mais en tout cas c'était ce que demandait le public, de voir les comédiennes chanter. Aujourd'hui ça se fait presque plus finalement. Bah, ça se fait plus, sinon on décrète que c'est une comédie musicale, ouais, alors que là c'est pas le cas, hein, ouais, puisqu'on parle de Gilda, un film magnifique film de Vidor, Charles Vidor, par King Vidor. Et effectivement, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à peut-être à une époque, on les a chantés, et c'est vrai que c'était l'époque des studios, donc on demandait, les artistes étaient sous contrat, on leur demandait d'être assez polyvalents, donc il y avait des danseurs, des chanteurs et aussi comédiens, donc des gens comme Jane Kelly qui... cumuler à la fois le talent de la danse, du jeu et du chant. Fred Astaire, tout ça, enfin. Absolument. Toute cette époque-là. Mais Jane Kelly avait cette voix incroyable que n'avait pas Fred Astaire. Donc là, Rita Hayworth dans le film Gilda. Et là, il faut voir qu'elle enlève son gant. Là. Pas Philippe Gilda, rien à voir. Rien à voir avec Philippe Gilda. Et donc là, elle enlève son gant, elle essaie de séduire justement le héros qu'elle va forcément plumer. Quintessence de la vampe, Rita Hayworth. On Et tu remarqueras qu'on a utilisé vachement le mot, en tout cas moi, quintessence. Comme si le mot quintessence était propre au film noir. Et tu as utilisé aussi beaucoup missive ce soir. Missive. Ouais, missive, tu l'as beaucoup utilisé. C'est étonnant ça. Ouais, c'est bizarre. Parce que ça rappelle un label. Non, il n'y a pas un label qui s'appelle missive. Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Barton Fink, le thème, la suite. Ouais, composée donc toujours par Carter Burwell. Avec ses sons très particuliers. Barton Fink, tu te souviens, ce petit scénariste là qui part à Hollywood, qui émigre de New York vers l'Eldorado cinéma Hollywood. Moi, ce que je me souviens surtout du film, l'histoire est juste sublime, mais c'est tout le décor. Ouais. Le décor a une, une vraie place. Le papier peint qui se décolle, où tu sens la moiteur d'Hollywood, la chaleur, tout ça, où lui n'arrive pas à écrire, etc. Il recommence, enfermé dans sa petite chambre, où en fait le décor prend vie finalement, tout l'hôtel, et à un moment donné l'hôtel est en feu. Enfin, c'est un vrai personnage, l'hôtel, et ce décor m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Je vais te dire une vérité. Ce soir, c'est, je l'annonce, c'est ce qui m'a aussi assez convaincu de faire des études de scénographie, ce film-là, parce que je trouvais ça tellement magnifique, l'utilisation du décor, que voilà, je me suis dit, allez, je fais des études de scénographie, je voudrais être décorateur de cinéma, ce que je n'ai jamais fait, enfin ce que j'ai fait une ou deux fois, mais ça n'a pas porté pareil aux conséquences. Mais... Je reste quoi ? Ouais, là, c'est la quintessence du quoi, pour moi. Ouais, c'était un film avec Lynn Renault, donc on s'en fout. Les tourments intérieurs dont tu parlais, hein, les tourments, les affres de la création sont exprimés dans cette musique de Carter Burwell. Cette espèce là, comme ça, on sent cette espèce de bouillonnement intérieur. Hein. On est comme le décor, la musique aussi fait partie, est une projection presque de l'intériorité du personnage en pleine crise de création. Dans ce film, il y a plusieurs comédiens de la classe de Jean-Paul Belmondo. Il y a d'abord Serge Reggiani, qui joue, je ne vais pas employer le mot truand que vous avez employé tout à l'heure, parce que je pense que mes hors-la-loi sont un tout petit peu plus distingués que les truands montmartrois qu'on a l'habitude de montrer. Reggiani est donc à la fois l'ami et l'ennemi à un moment du personnage de Belmondo, Cilien. Michel Piccoli, c'est un autre excellent comédien, joue un personnage classique de propriétaire de boîte de nuit et de méchant et de vilain, comme on disait dans les années 30 à Hollywood. Et Jean de Sailly représente la loi, le commissaire. le temps, petit Simon, où tu m'arrivais à la taille. Ça me semble encore tout à l'heure, mais déjà tu m'arrives au cœur. Pour toi commence la bataille. Le temps, petit Simon, que je te fasse un peu l'école, me semble venir aujourd'hui, redonne-moi de cet alcool. Que je te parle de la vie, tu verras, les amis ne meurent pas, les enfants ne vous quittent pas, les femmes ne s'en vont pas, tu verras, on rit bien sur la terre, Malbrou ne s'en va plus en guerre. Il a fait la dernière, tu verras. Et puis, petit Simon, chez nous personne ne vieillit. Nous sommes là et ne crois pas que nous partirons d'aujourd'hui pour habiter dans autrefois. L'amour, c'est tous les jours qu'on le rencontre dans la vie. Et rien ne passe et rien ne casse, redonne-moi de l'eau de vie. À peine, voilà, merci. Tu verras, les amis ne meurent pas, les enfants ne vous quittent pas, les femmes ne s'en vont pas. Tu verras, sur la terre, Malbrou ne s'en va plus en guerre. Il a fait le dernier, tu verras. Les femmes infidèles, on les voit dans les aquarelles. Elles vous querellent sous les ombrelles. Dans la vie, ce ne sont pas les mêmes. Elle nous aime. Un homme, petit Simon, ce n'est jamais comme un navire qu'on abandonne quand il chavire et tout le monde quitte le port. Les femmes et les enfants d'abord. Tu verras, les maisons ne meurent pas, les idées ne vous quittent pas, le cœur ne s'en va pas. Tu verras, tu vas suivre en beauté les chemins de la liberté. Tu vivras, tu verras. Comme moi. Le temps, petit Simon, où tu m'arrivais à la taille, ça me semble encore tout à l'heure, mais déjà tu m'arrives au cœur. Pour toi commence la bataille. Alors petit garçon, moi qui t'aimais, toi qui m'aimais, souviens-toi que ton père avait une sainte horreur du mensonge. Ouais, je pouvais pas ne pas passer le grand Serge Reggiani. On parlait du Doulos, Melville en a parlé hein, juste avant, il parlait de ses comédiens et donc de la prestation magnifique de Serge Reggiani, et je pouvais pas ne pas mettre une chanson de au moins de Serge Reggiani. Oui. Voilà, en live, puisqu'on écoute les applaudissements. Et cette chanson qui s'appelle Les mensonges d'un père à son fils, et son fils est lui-même réalisateur, Simon Reggiani. Ouais, il a fait des trucs. Écoute, il a fait l'acteur surtout, et là il prépare un film avec Patricia Mazui, celle qui avait fait Saint-Cyr. Je sais pas si tu souviens de ce film. Ouais. Absolument, ouais. Voilà. Et donc voilà, donc moi ça me faisait plaisir d'écouter Serge Reggiani qui a une voix magnifique. C'est vrai. Qui est un acteur doublé d'un acteur grandiose, des films de Sautet, Casque d'or magnifique avec la belle Simone Signoret à l'époque. Et donc voilà. J'avais envie de redescendre un peu au ras des pâquerettes, tu m'excuseras. Hein. Bien sûr, mais redescends. Mais je voulais juste redire que bien sûr, il y a un concours ce soir pendant ton émission. c'est le concours de faire sa programmation mercredi prochain. Alors si vous avez envie de faire votre programmation mercredi prochain et de parler en direct à l'antenne de ma radio, il y a un concours. Voilà, il faut juste m'envoyer le mot de passe. Et le mot de passe, ce sont le nom du chien de Jean-Paul Belmondo, qui n'est autre que Kiki. Donc il faut m'envoyer le mot Kiki à sélectionmusique@orange.fr. Sélectionmusique, S-L-E-L-E-C-T-I-O-N. Bon, bref, sélectionmusique en un seul mot avec un C à la fin. Sélectionmusique@orange.fr. Kiki. Scène culte des frères Cohen. The Big Lebowski, la partie de bowling sur une chanson de Dylan. On se souvient de John Turturro avec son costume qui lèche sa boule. Pompe. Comment il s'appelle dans le film? Ah, je sais plus. Jesus. Jesus. Bob Dylan, la partie de bowling, The Big Lebowski. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. It sets my heart a reeling from my toes. Just because he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me. Vient des ralentis là sur les joueurs de bowling là, ouais. On voit John Turturro qui lèche sa boule effectivement et qui balance le son blue, c'est absolument fantastique. Moi j'ai adoré ce film, mais ça nous permet aussi de parler un peu de I'm Not There, ouais, puisqu'on écoute Dylan, donc ouais. un petit lien, transition avec I'm Not There de Todd Haynes. Todd Haynes, ouais. Super vrai film, faux biopic, ouais. sur Bob Dylan. Ouais. Super Dylan. Film, je mettrais bon film, mais ouais. Pas super. Je trouve qu'il a beaucoup de qualités et aussi beaucoup de défauts, mm-hmm. Et notamment les qualités de ses défauts, à savoir que Todd Haynes a voulu prendre finalement le contre-pied des biopics habituels, mm-hmm. C'est-à-dire qu'il éclate totalement son récit puisque 6 personnages différents incarnent Bob Dylan. Mm-hmm. Alors effectivement, c'est à la fois fantastique parce que visuellement c'est assez impressionnant, c'est assez expérimental. Ouais. En même temps, je trouve que du coup, on est un peu frustré parce qu'il y a certains déséquilibres entre certains récits. Bref, moi j'ai beaucoup aimé, j'en attendais beaucoup, j'étais un poil déçu quand même. Enfin bon, voilà, on va pas le blâmer pour autant, Todd Haynes, c'est un grand artiste. Et là, toujours avec American Gangsters, une musique originale, 100% pure, on parle bien sûr de l'héroïne que... 100% pure. Ouais, qui s'est découlée, notre ami Frank Lucas, incarné par Denzel Washington, sur tout New York. voilà. C'est de la bonne bébé. C'est de la 100% pure. Comme cette musique qui est très bonne. Ouais, c'est Mark Streatenfeld qui a fait le score. Souvent, c'est Hans Zimmer qui fait les BO des films de Ridley Scott, notamment le score de Gladiator qui était assez réussi. Ou Blackout Dawn, La Chute du Faucon Noir. Là, voilà, il y a Hank Shockley qu'on écoutait tout à l'heure et Streatenfeld. J'ai juste quelques secondes pour laisser la place à Melville qui parle de la télé comme Godard le faisait pour clore l'émission précédente. Ce que nous avons vu, c'est un plan séquence. Oui. La caméra se promène avec De Sailly. C'est un plan qui fait penser à la télévision. Et c'est dire que vous aussi, comme certains réalisateurs de cinéma éminents le reconnaissent, vous deviez beaucoup à la télévision. Non, je m'excuse, je vais vous faire beaucoup de peine peut-être. Mais je ne dois rien à la télévision. Je crois que la télévision doit beaucoup et de plus en plus au cinéma. Vous abandonnez chaque jour davantage le direct. Vous filmez cette émission que vous prenez en ce moment, vous la filmez. Avec une caméra, avec de la pellicule, c'est du cinéma pur. Mais celle-là, nous pourrions la faire en direct. Je crois que l'exemple est mal choisi. Les interviews, on peut les faire en direct. Ah, voilà. Il y a la partie document qui est incontestablement votre domaine. Quand un monsieur traverse Paris et que pendant un quart d'heure seulement, vous pouvez arriver à le coincer devant une caméra, seule la télévision peut le faire. Il est certain que l'émission en direct de M. Oppenheimer, que nous avons vue un soir à la télévision il y a quelques années, était admirable et que le cinéma n'aurait pas pu faire la même chose. Je crois que tout ce qui est document et vie, la télévision est irremplaçable. Mais je m'oppose absolument à ce que disait un soir Jean Delannoy quand il a dit qu'il avait découvert grâce à la télévision plein de choses et qu'il allait s'en servir maintenant dans ses films. Non. Je crois que la télévision doit beaucoup plus à Jean Delannoy que Jean Delannoy ne doit à la télévision. Et de toute façon, le cinéma a trouvé en vous un valeureux défenseur. J'essaye. La voix reconnaissable entre toutes de Jean-Pierre Melville qui parle de la télévision. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il faut toujours resituer le contexte puisqu'on est quand même au début des années 60. On croit encore beaucoup au potentiel, je dirais, artistique de la télévision. Qui va être ensuite un petit peu trahi, hein, puisque l'histoire de la télévision est un peu un rendez-vous manqué avec l'art, si on peut dire, puisque effectivement ça va devenir l'outil commercial et un petit peu. Un média de masse. Et donc Jean-Pierre Melville, comme Godard précédemment, hein, on était en 72 avec Godard, non pas qu'il se faisait des illusions sur la télévision, mais essayait voilà, de trouver un petit peu ce que la télévision pouvait apporter au cinéma et inversement. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, beaucoup de gens se sont dit, beaucoup de critiques ont eu peur, la télévision, c'est vulgaire, ça va détruire le cinéma. C'est marrant, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a une vraie, et ça a toujours existé, alors aujourd'hui un peu moins, parce qu'il y a cette mode de série télé, mais il y a toujours eu cette rivalité télé-cinéma, alors que c'est finalement deux médiums complètement différents, il faut qu'ils vivent en tant que tels, j'ai envie de dire, alors que, voilà, aujourd'hui, pour le coup, il y a, je pense, un peu moins de rivalité de par vraiment cet avènement de la série télé, qui est un genre à part entière, et qui ne peut pas exister au cinéma et inversement, j'ai envie de dire. Oui, puis alors, en plus, c'est deux médiums différents, le cinéma et la télévision, qui peuvent se répondre, il peut y avoir des corrélations, mais c'est vrai qu'il ne faut pas toujours les comparer, les mettre sur un même point. Moi, ça m'a un peu agacé au moment où il y a eu tout ce florilège de nouvelles séries aux États-Unis, et donc d'un coup, on a parlé de renouveau de la narration, des choses comme ça. Ouais. Oui, un renouveau de la narration pour la télévision, mais pas du tout pour le cinéma, parce que c'est des formats totalement différents. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est très intéressant de voir ce que l'un et l'autre peuvent s'apporter. C'est après tout un métier d'image, tous les deux, de l'image en mouvement. Il y a du montage, il y a du son, il y a des personnages. Voilà, après. Mais il y a des ponts qui se font quand même. Bien entre sûr, les deux, il y a des sûr, ponts qui se sûr. Font. En tout cas, des gens comme des réalisateurs, des comédiens qui font le pont entre deux. Peut-être plus vraisemblablement d'ailleurs aux États-Unis qu'en France encore, qui est encore un peu. On est au balbutiement de ça. Mais en tout cas, voilà, je pense à J.J. Abrams, par exemple, aux États-Unis, qui vient, lui, de la télévision, qui a fait le transfert au cinéma. Et inversement, il y a Scorsese, il y en a d'autres qui ont fait. Non, pas Scorsese d'ailleurs, il y a. Comment il s'appelle Spielberg, qui a fait le transfert entre le cinéma et la télévision. Par exemple, Duel, qui est considéré comme son premier long métrage, a été imaginé d'abord, commandé. Pour la télévision. Et pareil pour Gus Van Sant, hein, avec Elephant et Jerry, c'était HBO qui commandait d'abord, c'est d'où le format carré. D'accord, d'ailleurs, c'était un parti pris artistique, mais aussi un parti pris de télévision. Alors, on a eu un truc comme ça qui s'est passé en France, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas souvenir, mais le Péril de Jeanne, par exemple. Oui, mais beaucoup d'autres, parce que ça faisait partie d'une collection. Il y a eu Les Roseaux Sauvages, on écoutait d'ailleurs un extrait tout à l'heure avec Del Shannon. Pareil, c'était une commande pour la télévision, et ensuite c'est sorti au cinéma avec le succès que l'on sait. Et effectivement, le Péril de Jeanne, Jackson faisait partie d'ailleurs de cette même collection qui était sur les adolescents initiés par la mère de Melville Poupeau. C'est marrant. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc, bah voilà, on va se quitter là-dessus sur un thème d'un cinéma, d'un film fantastique, puisque c'est le thème de 28 semaines plus tard de John Murphy. Moi, j'aime beaucoup ce thème. Et voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'on va pas attendre 28 semaines pour te retrouver. On va attendre juste une semaine. Juste une semaine, ouais. Et on va te retrouver jeudi prochain pour la dernière de l'année, je pense. Absolument, ouais. Parce qu'après, ça va être les vacances et les fêtes. Les fêtes, les cadeaux, beaucoup de cinéma. Faites-vous offrir beaucoup de musique de cinéma, beaucoup de films, DVD, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à lundi soir avec tout simplement Samplé et Guillaume. Merci, Mato, d'être venu. Merci à toi de m'accueillir toujours dans ton agréable studio appartement. C'est toujours un plaisir de parler avec toi.